Danke. Komm mal an, komm mal dran. A la jeunesse sous pression. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir de souspressionpunk.com, qui est enregistré à Ottawa, territoire algonquin non cédé, et qui est entendu en onde à partir du CHU 89,1 FM Ottawa et le CVR 103,5 FM à Yellowknife. Moi, Tim Mathieu, et je vais être avec vous pendant environ 60 minutes pour vous faire jouer de la bonne musique. Et cette semaine, c'est quelque chose d'un peu spécial. Cette semaine marque le 9e anniversaire de l'émission Sous Pression. C'est le 7 juin 2010 que l'émission a vu le jour pour la première fois. Quand on était en ondes à Toronto, aux ondes du CHRY, qui n'existe plus ou moins. Là. En tout cas, ça c'est une longue histoire. C'est une histoire pour un autre jour. Et alors, pour un peu fêter l'anniversaire, ce que je vais faire une espèce de petit retour sur la première épisode de Sous Pression. Je vais pas la refaire, mais je vais faire jouer plusieurs, sinon... Ben, en tout cas, je vais voir, j'ai la liste des groupes que j'ai fait jouer. Je vais refaire jouer des chansons par les mêmes groupes, je vais pas recréer l'émission, mais donner un peu l'impression de ce que ça avait d'art dans le temps. Alors, on va commencer, comme j'ai fait il y a 9 ans, on va commencer avec du Ein Brigade de leur album Sauvage. Il y a 9 ans, on a commencé avec Commissariat Blues, mais cette semaine, on va commencer l'émission avec le morceau Solitude Urbaine. Alors, voici Ein Brigade à Sous Pression. Oh, Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le bloc, on a commencé l'émission avec du Haine Brigade de leur album Sauvage. Le morceau Solitude Urbaine, Les Cadavres après ça de leur EP au terminus de l'histoire. On a écouté le morceau Ultimatum du Béruquet Noir après de leur album Souvent Fauché, Toujours Marteau. On a écouté le morceau Camouflage et on vient d'écouter du Caméra Silence, le morceau C'est comme ça de l'album Réalité. Alors, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, cette semaine, on marque le 9e anniversaire de Sous Pression. C'est le 7 juin 2010 qu'on a vu, que l'émission a vu le jour pour la première fois. Alors, ce qu'on fait un peu, c'est, je refais jouer des chansons de la première épisode, mais pas les mêmes chansons, mais les mêmes groupes, en ordre. On va voir si ça va remplir une heure, comme ça l'a fait la dernière fois. Mais pas les mêmes chansons, je veux pas recréer l'émission la première épisode, ça a rien de faire ça, mais juste les mêmes groupes, voir que c'est, alors évidemment il y aura rien qui existait après 2009 là. Ça sera tout pris 2009, mais en tout cas c'est ça, je vais continuer en musique, je continue avec du banlieue rouge. Il y en avait, on a fait jouer le morceau à ce point-ci de l'émission, on a fait jouer le morceau Le Crime dans le sang de leur album En attendant demain, mais on va faire quelque chose de différent du même album, on va écouter le morceau Olaf. Voici Banlieue Rouge à Sous-Pression. Moi j'ai un grand frère, il s'appelle Olaf. Il va partir à la guerre, toute ma famille est très fière. Au moins je peux y aller. Oh moi je peux crever, je suis allergique aux armes, mais à la marche à pied, hey! Mon frère n'est pas revenu, il est mort au combat. Dans une fosse anonyme, maintenant il reposera. Mon père a honte de moi, me dit que je suis un clapin. Mais mieux vaut être une langue vivante qu'une pierre vivante. Le but a raison, et les morts sont des cons. Et moi aussi maintenant, je suis sur leur tombe. Pour dernier un peu de tout ce qui leur reste. Un bout de cimetière, et cette fierté que je déteste. Voilà. Voilà. Adieu. Dans son ciel, y'a plus d'étoiles, des de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre. J'fais de la salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On est rendu là à mi-chemin de l'émission, mais avant de vous faire le rappel que je fais à toutes les semaines de toutes nos présences sur l'internet, on va faire un retour sur le dernier bloc. On a commencé avec du Banlieue Rouge de l'album En Attendant Demain, c'était le morceau Olaf. Les Bonnariens après ça de leur album La Rage, on écoutait le morceau Dans le Silence. Les Ordures Ioniques de leur album Se Soulage, on écoutait le morceau La Paix Publique et on vient de terminer avec les Vulgaires Machins de leur premier album 2440. Le morceau Cocaïnoman, en tout cas. Alors, comme je dis au tout début de l'émission, cette semaine, c'est le 9e anniversaire de Sous Pression. Alors, on fait jouer des chansons par les groupes qui ont passé en ondes lors de la première émission. Puis, je trouve ça bien intéressant. C'est pas les mêmes chansons, mais les mêmes groupes. Alors, ça vous donne une idée de ce qui se passait, de ce qui passait en ondes en 2009, quand l'émission a commencé. Et moi, ça me rappelle ce que j'écoutais dans le temps. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Il n'y avait pas de bloc sono mondial en 2009, alors il n'y en aura pas cette semaine. Mais avant de se relancer dans la musique, je vais faire un rappel que Sous Pression a une présence sur Facebook, comme un peu tout le monde. C'est le facebook.com/sous-pression, ou bien juste chercher et trouver... faites une recherche sur Facebook pour Sous Pression, vous allez trouver ça. Il y a aussi le courriel info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Alors, si vous voulez me contacter de cette façon-là. Et alors, c'est ça, là, on va continuer la musique avec Les Marmottes Aplaties. En 2009, j'ai fait jouer un morceau Les Marmottes Aplaties à la première émission en nombre. C'était le morceau Vanille, tiré de leur album Épisode Sanglant. Cette semaine, je vais faire jouer un morceau de leur album Décadent. On va écouter le morceau Caroline. Alors, voici Les Marmottes Aplaties à Sous Pression. Tu pensais pas qu'il t'attachait dans ses j'ai fait quelques pas de danse. Oh Caroline, ça goûtait un peu toi. Yeah. de mon lit. Sans heurts et sans fracas, dans l'oubli de l'oubli de toi, à cause de toi. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, mais l'émission, on manque de temps, alors j'ai le temps de faire jouer un dernier morceau avant de vous quitter. Mais avant de faire ça, on va faire un retour sur ce qu'on vient d'écouter dans le dernier bloc. On a commencé avec les Marmottes Aplaties de leur album Décadent, c'était le morceau Caroline. Brigada Flores Magone après ça, avec le morceau Ras les murs de l'album Tout pour tous. Bolshoï après ça avec Sous de toi, les esclaves salariés de leur démo, c'était le morceau Encre dans la peau. Il y a une autre version de cette chanson-là, je pense que c'est sur l'album Ça augure mal, mais je me trompe peut-être sur du rabat. En tout cas, on a écouté la version de leur démo. Jeunesse apatride après ça avec Dragon de fer, et on vient d'écouter du cartouche de leur premier album, Je trahirai demain, c'était le morceau Je trahirai. Je vais vous laisser avec un dernier morceau. Ben, en fait, ça a tout fait. À ce moment-ci, c'est que la première épisode de Suppression aurait terminé. On n'a rien joué après Cartouche. Mais j'ai le temps de faire jouer maintenant une dernière chanson. Je vais faire jouer Les Partisans, l'album éponyme, le morceau Street Gones. Cette chanson-là, une place spéciale à Suppression. La chanson a servi comme chanson d'ouverture ou chanson thème à Suppression pendant plusieurs années. Alors, on va terminer l'émission avec celle-là. Les Partisans, Street Gones, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Vous arrivez.